matin, le jour succède au jour. Il glisse sans laisser de traces. Dans mon âme, rien ne t'efface au dernier songe de l'amour. Non, tu n'as pas quitté mes yeux, et quand mon regard solitaire cesse de te voir sur la terre, soudain je te vis dans les cieux. Du soleil, la céleste flamme, avec les jours, revient et fuit. Mais mon amour n'a pas de nuit, et tu luis toujours sur mon âme. C'est toi que j'entends, que je vois, dans le désert, dans le nuage. L'onde réfléchit ton image, et le zéphyr m'apporte ta voix. J'admire ces feux épars qui des nuits parsèment le voile. Je crois te voir dans chaque étoile qui plaît le plus à mes regards. Et si le souffle du zéphyr m'enivre des parfums des fleurs, dans ces plus suaves odeurs, c'est ton souffle que je respire.